Chapitre 17. Le ménage royal. À Paris, même jour, même heure, un boudoir tendre. Miroirs et bibelots de toilette, un divan. Enfin, tout ce qu'il faut pour s'aimer ou s'attendre, un nid d'amant coupable ou de mari fervent. C'est là que chaque soir, aux genoux de la reine, dolent et résigné, depuis 10 ans, Pépin servilement se traîne et se sent dédaigné. Car la reine est méchante et sa beauté funeste à ce charme obsesseur dont nul ne peut guérir. Pépin tout à la fois l'adore et la déteste, d'un amour douloureux qui s'obstine à souffrir. Lui qui l'espérait douce et bonne et maternelle, elle l'attend déçue, que parfois comme en rêve il songe « Est-ce bien elle ?» et doute à son insu. Est-ce triste, être un roi puissant que l'on ménage, dont le fils portera la couronne de fer, être maître en Europe et serf en son ménage, et cuire en son amour comme dans un enfer. Triste, ô triste, et malgré le désir qu'il l'affame, un autre ennui le pointe. C'est ce que les 2 enfants qu'il a de cette femme ne lui ressemblent point. Tel il songe, et dans l'ombre à méprise de Lucre, la reine avec Tibère s'épanche en doux propos. Qu'est-ce que tu dirais d'un impôt sur les sucres, d'une aide sur les blés et d'un droit sur les pots?